Aumône légale. Aumône légale. Az-zaka. L'aumône légale, ou zakat, est le troisième pilier de l'islam. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « L'islam est construit sur cinq piliers. Témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Accomplir la prière. Donner l'aumône légale. Accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, à la Mecque. Et jeûner le mois de Ramadan. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La zakat est une obligation pour tout musulman qui possède le montant minimal imposable, appelé en arabe « an-nisab », durant une année complète. La zakat est distribuée à 8 catégories de personnes mentionnées dans le verset suivant. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui collectent la zakat, à ceux dont les cœurs ont récemment embrassé l'islam, aux esclaves pour leur affranchissement, aux endettés, à ceux qui sont dans la voie d'Allah, et pour le voyageur en détresse. Sourate le Repentir, verset 60. La zakat est une expression vivante de l'affection portée aux pauvres et aux nécessiteux, afin de les aider à satisfaire leurs besoins et à rembourser leurs dettes. Littéralement, le terme arabe « zakat » signifie « purification ». La zakat purifie les biens de celui qui l'acquitte. En outre, Allah le Très-Haut lui bénira et lui accroîtra ses richesses. Elle purifie aussi le cœur de toute envie, de toute jalousie et de toute haine. Elle distille chez les croyants la générosité et purifie leur cœur de l'avarice. Elle est un remède contre nombre de maux sociaux et une cure efficace contre la cupidité. Le Coran dit et quiconque se prémunit contre sa propre avidité sera celui qui aura réussi. Quand un musulman s'acquitte de sa zakat, quelle que soit sa forme, il ne doit pas faire suivre cet acte par un tort ou un rappel de ce bien accompli. Allah qu'il soit glorifié, dit قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Une belle parole et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Sourate la Vache, verset 263. Lorsque le musulman donne pour la cause d'Allah, il n'espère ni ne demande aucun profit matériel en contrepartie. Il sait que la richesse appartient à Allah. Il lui a octroyé celle-ci, et ainsi, il en donne volontairement une partie même durement acquise. En effet, il est convaincu qu'Allah le lui rendra en échange et le rétribuera dans l'au-delà pour avoir obéi à son ordre. Allah le Très-Haut dit quoi que vous dépensiez, il vous le rendra en échange, et il est le meilleur des pourvoyeurs. Il a aussi dit إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Vraiment, ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent secrètement et ouvertement de ce que nous leur avons attribué. Ils espèrent un commerce qui jamais ne périra. Sourate le Créateur, verset 29.